se tait par crainte quand la vérité reste loin. Même le silence devient faute devant la lumière de tes mains. Quand l'élève touche l'interdit ou l'ombre sans le vouloir, le cœur reconnaît son erreur et revient chercher ton regard. Alors je viens sans me cacher, mon âme prête à confesser. Je viens réparer ce qui fut brisé, pas par mes forces mais par ta bonté. Je dépose à tes pieds ma dette et ton amour me rend honnête. Tu relèves l'âme qui s'accuse, tu ouvres un chemin de refus, refus de l'ombre, choix de la vérité. Par le sang de la fidélité, selon mes moyens, je t'apporte ce que mon cœur peut donner. Car tu ne méprises pas l'offrande d'un esprit humble et brisé. Tu ne demandes pas la richesse, mais un cœur vrai devant ta face. Tu prends ma faute, tu prends ma faiblesse et tu m'enseignes.